quand tout s'oublie, les horaires du matin au déjeuner, c'est une réalité du bon poignet de billets, ok. Ok, voulez-vous revivre cette expérience? Être violé, torturé, innocent, mais exécuté. Ok, notre sphère, la poubelle de l'univers, une décharge à ciel ouvert, le ciel est gris. Je l'ai vu sort épaisse depuis hier, si Dieu tu pouvais le faire. Existe en tant que femme, reviens nous protéger un pire.